Vous êtes à l'écoute de Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire et nous lançons maintenant dans le vaste thème de nos comportements, parfois fougueux, boudeurs, dociles, altruistes, aventuriers et j'en passe. Mais d'où nous viennent tous ces comportements? C'est notre sujet pour cette deuxième partie d'émission et nous allons l'explorer avec François Doré qui est professeur émérite de l'école de psychologie de l'Université Laval et qui a publié en 2015 aux éditions Multimonde un livre intitulé Les origines du comportement humain et de la culture. Bonjour, Monsieur Doré. Bonjour. Bon, merci de revenir à l'émission à Futur Simple. Donc, vous êtes, comme je disais, vous êtes un chercheur en psychologie et au cours de votre carrière, vous avez étudié le comportement animal, ce qui est un petit peu surprenant pour quelqu'un qui travaille en psychologie. Mais vous nous aviez expliqué tout ça la dernière fois que vous étiez venu. Et en 2015, donc, vous avez publié ce livre sur les origines du comportement humain et de la culture. Donc, on en déduit que, à travers ce livre, vous réunissez vos deux champs d'intérêt. Que sont la psychologie qui se penche donc sur le comportement humain et sur le comportement animal. Mais moi, je me pose la question quand même, comment l'étude du comportement animal peut aider à comprendre le comportement humain? Vaste question hein, que je vous pose. Oui, mais je vais essayer de la cerner un peu rapidement. C'est vrai que les gens ont l'image de la psychologie comme étant consacrée au comportement humain, mais ce que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'il y a une très longue tradition de recherche sur les animaux en psychologie, et il y a deux approches. Il y a une approche qu'on peut appeler une approche de modélisation, c'est-à-dire qu'on modélise chez l'animal des comportements ou des situations pour comprendre mieux le comportement humain. C'est un peu comme en médecine, par exemple, mm-hmm. où on va tester des thérapeutiques ou étudier des phénomènes médicaux sur des animaux. Évidemment, l'animal, dans ce contexte-là, a été utilisé souvent à cause de problèmes éthiques que ça poserait. Mm-hmm. On ne peut pas, par exemple, donner l'Alzheimer à quelqu'un pour voir comment il va réagir. Mais aussi, je tiens à préciser que maintenant, les règles avec les animaux sont très strictes. Il y a aussi des mm-hmm. considérations éthiques. Ça, c'est la première approche du comportement animal. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle la psychologie comparée. Et là, ça permet d'établir des similitudes et des différences entre les espèces, entre notre espèce et d'autres, mais pas exclusivement, et aussi entre les processus sous-jacents d'apprentissage, mm-hmm. de mémoire, etc. Parce que étymologiquement, le mot comparer, c'est cum et par. Ça veut dire avec égal. Donc, c'est comparer des choses qu'on considère égales. Ah. Et en psychologie comparée, on ne considère pas qu'il y a une espèce supérieure à une autre, mm-hmm. même pas l'espèce humaine. Mm-hmm. Et malheureusement, la psychologie comparée au Canada et au Québec, il y a de moins en moins de chercheurs dans ce domaine-là et c'est plus actif aux États-Unis et en Europe. Mmh. Mais ça suppose qu'on travaille sur la psychologie des animaux, mais moi, je pensais pas qu'on travaille, que ça s'étudiait la psychologie des animaux. Ben, on observe le comportement, ouais. et on essaie de comprendre les processus qui sont sous-jacents au D'accord. comportement. Ouais. Puis donc, et on compare donc les comportements des différentes espèces, incluant oui. l'homme. Oui. D'accord. Puis, donc voilà pour ce point-là. Puis, dans votre livre, qui est quand même assez long, quand même, 300 et quelques pages, mais il y a beaucoup d'informations, et vous expliquez très, très bien, d'ailleurs, tout le processus de la sélection naturelle, de l'évolution, de la sélection naturelle. Donc, comment on fait le lien entre l'évolution et le comportement? Une approche évolutionniste en psychologie ou sur le comportement, ça part de l'idée de Darwin que toutes les espèces ont évolué par les mêmes mécanismes et que ça s'applique autant au comportement, à la cognition, aux émotions qu'à la morphologie ou à l'anatomie. La psychologie s'intéresse habituellement, là, s'intéresse surtout à deux questions. Quels sont les facteurs qui, dans l'immédiat, ont provoqué tel comportement, telle pathologie? Et l'autre question, comment un comportement ou un processus sous-jacent se développe au cours de la vie de l'individu, de sa naissance jusqu'à la vieillesse? Une approche évolutionniste nous permet de poser deux autres questions que la psychologie pose pas en général. C'est des questions reliées à l'histoire. Premier type de question, c'est relié à l'histoire évolutive. Quand, dans l'histoire de cette espèce-là, un tel comportement est-il apparu? Est-ce que deux espèces ont des comportements semblables parce qu'elles ont un ancêtre commun ou parce qu'elles ont été soumises à des conditions semblables? Parce que parfois, il y a des espèces qui sont très éloignées l'une de l'autre qui ont des comportements semblables parce que soumises à des conditions semblables. Ça, c'est le premier type de question. Et l'autre question que pose moins la psychologie, c'est la question de l'adaptation. Mm-hmm. Par adaptation au sens biologique, à la fois la survie d'un individu, mais aussi la reproduction de l'espèce. Parce que, du point de vue biologique, une adaptation, c'est un comportement ou une caractéristique qui permet un taux de reproduction plus élevé. Qu'est-ce qui fait penser que nos comportements actuels sont issus de l'évolution biologique? Il y a plusieurs points. Un premier point, c'est qu'on partage avec les animaux des comportements qui sont importants pour l'adaptation. Les exemples peut-être les plus évidents, le comportement alimentaire, le comportement sexuel, les soins parentaux. Et on trouve chez les animaux des précurseurs ou une forme rudimentaire de certains de nos comportements. D'accord. Un autre indice du rôle de l'évolution dans nos comportements, c'est le caractère universel de certains comportements. L'universalité n'est pas nécessairement gage qu'on trouve dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures humaines, vous parlez là? Oui. J'y reviendrai peut-être, mais l'expression faciale des émotions, c'est bien démontré maintenant, c'est universel. Il y a des facteurs culturels qui peuvent intervenir, mais c'est universel aussi. Mais quand on étudie l'évolution du comportement humain, il faut faire attention, il faut être prudent dans nos comparaisons avec les animaux, parce qu'il y a souvent des co-évolutions, c'est-à-dire, d'une part, l'évolution biologique et d'autre part, la culture. Parce que chez l'humain, chez les animaux, c'est un autre débat, on en a discuté au mois de décembre, mais est-ce que ça existe chez les animaux, la culture? Mais chez les humains, c'est clair que ça existe. Pour donner un exemple classique, la tolérance au lactose. Oui. On a maintenant des laits sans lactose. Bon. La plupart des mammifères, y compris le chat, il ne faut pas leur donner de lait à l'âge adulte, parce que chez l'adulte, chez les mammifères adultes, il y a une intolérance au lactose qui se développe. Je vais arriver à ma question d'évolution chez l'humain, inquiétez-vous pas. Pourquoi cette intolérance-là? C'est que passé le sevrage, il n'y a plus besoin d'avoir de prendre du lait. Les animaux ne prennent plus de lait. Donc, tout le système chimique, notamment le lactase qui décompose le lactose, peut servir à autre chose et être transformé. Donc, c'est plus nécessaire après le sevrage pour un animal de boire du lait. De la même façon, nos ancêtres préhistoriques ne buvaient pas de lait après le sevrage parce que il n'y avait pas de fabrication de lait dans la préhistoire. Mais il reste qu'il y a certaines populations qui sont tolérantes au lactose et d'autres pas. Et ce qu'on a découvert depuis quelques années, c'est que la tolérance au lactose et donc la consommation de lait par les adultes sont très fréquentes chez les peuples originaires de l'Europe du Nord, la France, etc., et aussi les pays scandinaves. Par contre, l'intolérance au lactose prédomine dans les populations d'origine asiatique ou africaine. Alors, pourquoi? C'est qu'il y a eu une coévolution de la culture et de l'évolution biologique. Ce qui s'est produit, c'est que vers 5 ou 7 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire il y a 5 ou 7 000 ans, il y a eu une mutation dans le gène d'intolérance au lactose, de sorte que certaines populations sont devenues tolérantes au lactose. Et ça coïncide avec l'apparition de l'élevage. L'élevage de vaches ou de chèvres. Donc, un facteur culturel. Même aujourd'hui, dans les populations de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, 50 à 90% des individus sont tolérants au lactose, donc ils ont eu la mutation. Par contre, dans les populations d'Asie et d'Afrique qui dépendent plus de l'agriculture que de l'élevage, c'est seulement 1 à 20% des individus qui tolèrent le lactose, donc qui n'ont pas eu la mutation. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a eu deux facteurs. Il y a eu un facteur d'évolution biologique qui s'est joint à un facteur culturel, l'apparition de l'élevage des vaches et des chèvres, pour produire un comportement ou une caractéristique. Ah oui. Et quand on compare avec les animaux, il faut toujours tenir compte du facteur culturel et de la coévolution possible avec la culture. Oui, ouais, ouais, je comprends. Mais donc, effectivement. Et donc, si on veut, parce que là, il y a quand même toute une question d'évolution à travers ça, mais donc ça veut dire que si on veut comprendre le comportement humain à travers son évolution, ça veut dire de connaître, de comprendre l'évolution de l'homme. Donc, on remonte comme ça jusqu'aux ancêtres, puis on regarde aussi quelles sont éventuellement les parentés, les ancêtres communs avec les grands singes actuels. Il y a la principale façon, puis j'y reviendrai tantôt, c'est la comparaison avec surtout les mammifères et beaucoup les primates. Mm-hmm. Mais il y a des études qui nous permettent des fois d'avoir un aperçu de l'évolution. Je vais vous donner deux exemples. L'exemple un peu curieux du comportement alimentaire des femmes enceintes. Mm-hmm. Chez les femmes enceintes, on constate qu'elles ont des aversions pour certains aliments et, au contraire, qu'elles ont des rages alimentaires. Mm-hmm. Et d'un point de vue de la psychologie, ça n'a aucun sens, à moins, et comme l'ont fait certains auteurs il y a quelques années, qu'on en vienne à une hypothèse évolutionniste. Selon l'hypothèse évolutionniste, le comportement alimentaire des femmes enceintes serait apparu chez nos ancêtres pour ce qui a permis de protéger la mère et l'embryon, parce que surtout durant le premier trimestre de la grossesse, le système, la mère et son système immunitaire est déprimé. Et si elle transmet des maladies à l'embryon, ça peut être fatal ou pour la mère comme pour le petit. Mm-hmm. Alors, il y a certains aliments qui contiennent plus de virus, de toxines que d'autres, notamment les viandes. Mm-hmm. Et ce problème-là chez nos ancêtres était encore plus fort avant qu'on domestique le feu et qu'on cuise nos aliments, mais même après, parce que les moyens de conservation de la nourriture n'étaient pas terribles. Alors, il y a des chercheurs qui ont fait l'hypothèse. Si l'hypothèse évolutionniste est fondée, les aversions alimentaires devraient être envers les aliments qui sont plus toxiques que d'autres, et les rages alimentaires vers les aliments les moins toxiques. Alors, conformément à l'hypothèse, ils ont trouvé, et ça, c'est en. Ils ont fait ça, ils ont pris des données d'une quarantaine d'études qui portaient sur environ 10 000 femmes, donc c'est pas rien. Et ils ont trouvé que les principaux aliments auxquels les femmes enceintes ont des aversions marquées, ce sont les plus susceptibles de contenir des toxines dangereuses, les viandes, les poissons, les œufs. Mm-hmm. Par contre, les rages alimentaires se dirigent vers des aliments moins susceptibles de contenir des toxines, les produits laitiers, surtout la crème glacée, c'est bien connu, les sucreries, les céréales et les fruits. Ouais. Ouais. Un autre exemple où on peut voir le rôle de l'évolution, c'est les pleurs de bébés, surtout dans les premiers mois. Mm-hmm. Dans notre histoire évolutive, les pleurs de bébés, c'est un comportement très ancien qui existait déjà chez les ancêtres que nous avons en commun avec les primates. Chez tous les primates, les pleurs, ou ce qui en tient lieu, là, ça peut être des genres de cris, apparaissent quand la mère se sépare de son petit et que le met à terre. Les pleurs contribuent à l'adaptation en maintenant le contact entre la mère et son bébé, et parfois le père, parce qu'il y a chez certaines espèces comme les tamarins, le père s'occupe beaucoup des petits. Alors ça fournit aussi aux parents des informations sur l'état de santé, le bien-être du petit, et ça constitue un signal puissant auquel le parent réagit en prenant l'enfant dans ses bras puis en le nourrissant. Alors, il y a des chercheurs qui bon, là, il faut se mettre dans le contexte où les soins parentaux ont, chez l'humain, été la responsabilité de la mère pendant des siècles et même des millénaires, la plus grande partie de notre évolution. Alors, ils ont constaté que chez les femmes, en particulier celles qui sont en âge de se reproduire, elles sont plus sensibles aux pleurs des bébés que les hommes. Ah, oui. Par exemple, si on leur fait entendre un enregistrement des pleurs de bébés, elles vont avoir une décélération cardiaque, ce qui est un indice d'attention, suivi quelques secondes plus tard d'une accélération de la fréquence cardiaque, ce qui est un indice de préparation à l'action. Ah oui. Chez les hommes, on a seulement la décélération cardiaque. Mais avec nos changements culturels, il va peut-être y avoir une coévolution, puis éventuellement, les hommes vont avoir une décélération et une accélération, peut-être. Ouais. Dans votre livre aussi, vous parlez aussi beaucoup de continuité mentale. Oui. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là et comment elle se manifeste? Okay. Donc, j'imagine continuité mentale entre, finalement, des activités mentales des grands singes, peut-être, et les activités... Pas uniquement des grands singes, évidemment, surtout des vertébrés. Là, ouais. Mais encore là, il y a un invertébré, la pieuvre, qui a une certaine continuité mentale avec nous. Cette idée de continuité mentale vient de Darwin dans sa théorie de l'évolution par sélection naturelle, parce que il se disait, s'il y a une continuité du point de vue morphologique, anatomique, physiologique, il devrait y en avoir une du point de vue de la continuité mentale, c'est-à-dire des facultés mentales, du comportement, des émotions entre les animaux et nous. Et lui, selon lui, il y avait pas une différence de nature, c'était pas quelque chose de complètement séparé, c'était une différence de degré. Et on peut trouver chez les animaux, en particulier les mammifères, comme je l'ai dit, des facultés semblables, mentales, semblables aux nôtres, à un moindre degré ou sous une forme rudimentaire. Exemple de continuité mentale, les formes d'apprentissage. Chez presque tous les animaux, on trouve ce qu'on appelle l'habituation, c'est-à-dire cesser de réagir à un stimulus qui se répète continuellement. Par exemple, c'est pas avantageux pour un animal de réagir à chaque fois qu'une goutte de pluie tombe sur une feuille. Bon, ça, c'est l'habituation. Le conditionnement classique, c'est le chien de Pavlov. Qu'on trouve chez plusieurs espèces, chez les vertébrés, c'est très clair, mais même chez des invertébrés, l'apprentissage, le conditionnement instrumental, ou si on veut, l'apprentissage essai-erreur, comme par exemple la récompense, la punition en sont des exemples. Apprentissage par imitation, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls non plus. On a les apprentissages sociaux. Ouais. L'imitation en fait partie. La transmission de tradition. Il y a des espèces, pas uniquement les primates. Par exemple, je l'avais mentionné en décembre, chez certains oiseaux, dont le pinceau, je dis tout le temps le pinceau, c'est l'ancien nom, le bruant à couronne blanche. Ouais. Ils ont tous un chant semblable, mais d'une région à l'autre, il y a des dialectes. Ah oui. Et c'est transmis, c'est une transmission sociale, et il y a l'enseignement qui existe chez certaines espèces. Il y a aussi, évidemment, toute la question, pour la continuité mentale, la question de l'intelligence. Donc, en observant ces continuités mentales, on peut voir finalement d'où nous viennent aussi nos comportements d'apprentissage, par exemple. Oui. C'est ça? C'est des principes qu'on trouve de façon générale chez, par exemple, le conditionnement classique, c'est la même chose chez toutes les espèces, y compris l'humain. Ça se manifeste de la même façon. Des formes de mémoire aussi. Jusqu'à il y a quelques années, il y a une forme de mémoire que certains pensaient qui n'existe pas chez les animaux, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, où tel événement s'est produit, quand s'est-il produit, et qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a des données troublantes, pas sur un primate, sur un G d'épinède, où on a montré que cet animal-là se souvient du où, du comment et du quoi. Donc, on parle de mémoire épisodique dans ce cas-là. Donc, la plupart des processus... les facultés mentales, on les retrouve chez les animaux, mais sous d'autres formes. Le langage en est un exemple. Les animaux n'ont pas de langage, mais la communication, leur forme de communication, il y a des éléments du langage dans leur communication. La grande différence, c'est qu'ils n'utilisent pas de symboles comme nous, on en utilise. Mais est-ce que toute cette approche-là, finalement, de chercher les origines du comportement humain en observant les comportements animaux, est-ce que c'est pas un petit peu prendre l'anthropomorphisme à l'envers? C'est-à-dire que des fois, on regarde les humains et on se dit « Oh, ça se comporte comme un humain ». Là, c'est comme si on faisait un petit peu le contraire. Finalement, on regarde l'humain et on se dit « Bah, c'est un peu comme les animaux ». Ouais, ben c'est l'anthropomorphisme, c'est d'attribuer à des animaux des facultés qu'ils n'ont pas. Tandis que l'inverse, les animaux ont ces facultés-là, et nous aussi. On ne suppose pas chez l'humain des facultés animales. Tout ce qu'on dit, c'est que les processus à la base de ces comportements-là sont les mêmes ou se ressemblent beaucoup. Mm-hmm. C'est pas nécessairement toujours les mêmes. Il peut y avoir des différences. Par exemple, un rat va reconnaître un aliment toxique par son odeur et par son goût, mais surtout par son odeur. Une caille, c'est par sa couleur. Mmh. Alors, les processus sont les mêmes, mais la façon de les appliquer sont différents. Même chose pour les humains, on n'a pas un très bon odorat, mais on a une bonne vision. Et dans votre livre, donc je poursuis vers la fin de la livre, il ne nous reste plus très longtemps, mais on va aborder quand même ce point-là rapidement, c'est que vous allez jusqu'à parler d'une continuité aussi au niveau des émotions. Oui. Donc des émotions qu'on peut retrouver chez les animaux. Mais est-ce que c'est un petit peu bizarre de parler d'émotions chez les animaux? Est-ce qu'on est réellement capable de dire qu'un animal est heureux, craintif, triste? C'est sûr que c'est un domaine très difficile. Il y a eu beaucoup de réticences face à l'étude de l'émotion, à l'idée que les animaux peuvent avoir des émotions. Mais depuis une vingtaine d'années, là, on a fait des progrès. Quand on parle d'émotion, on peut parler de l'émotion à trois niveaux. Niveau comportemental, les gestes, les expressions faciales qui témoignent de l'émotion. Chez l'humain, par exemple, on a des expressions de joie, de tristesse, de colère. Un niveau neurophysiologique, où il y a des changements dans le système nerveux. Et un niveau subjectif, où on rapporte être heureux, avoir peur. Évidemment, chez les animaux, le niveau subjectif, on ne l'a pas. Et on ne l'aura probablement jamais. Mais il y a les indices comportementaux et neurophysiologiques peuvent nous permettre de voir chez les animaux des émotions. Évidemment, ce qui est le plus évident, c'est la peur et la surprise chez les animaux. Il y a des signes très clairs dans le comportement. D'autres émotions, comme la joie, la tristesse, la colère, c'est moins évident, bien que, depuis 2-3 ans, il y a des chercheurs qui ont produit des données qui indiqueraient chez les rats, des sons de joie. Ah. Bon, je suis encore un peu sceptique là-dessus, là, mais apparemment que c'est très fondé. On peut supposer que l'évolution a amené les émotions. Du point de vue évolutif, c'est tout à fait adapté. Les émotions nous permettent de filtrer des informations, nous et les animaux, de filtrer les informations. Si j'ai peur, je vais filtrer les informations qui sont dangereuses, un prédateur pour un animal ou pour nous, une voiture qui vient nous frapper. Les émotions nous permettent aussi d'amplifier, quand c'est pertinent, une expérience vécue. Amplifier des émotions positives envers des objets comme la nourriture ou un abri sécuritaire, ou encore amplifier des émotions négatives envers un danger, un adversaire, un prédateur, ça nous aide à nous adapter. Et les émotions nous ont fourni une autre forme d'adaptation. Ça joue un rôle dans la communication sociale. Mm-hmm. C'est sûr que ceux avec qui on peut faire les parallèles les plus faciles, c'est les chimpanzés. Mais je peux vous dire que les chimpanzés produisent des expressions faciales différentes selon les situations. Plusieurs de leurs expressions faciales sont très semblables aux nôtres. Malheureusement, visuellement, je ne peux pas vous le montrer à la radio, mais j'ai des images qui le montrent. Et pour reconnaître les expressions faciales d'un autre chimpanzé ou d'un humain, ils parcourent le visage de la même façon que nous. Ah oui. Donc, C'est-à-dire que les yeux se promènent les sur yeux, le... Les yeux, oui, quand on fait de la poursuite visuelle, l'analyse de poursuite visuelle, ça se ressemble énormément. Okay. Alors, c'est sûr que c'est très difficile à étudier les émotions chez les animaux, mais il y a un certain nombre de décennies, on disait que l'intelligence est impossible à étudier chez les animaux. Les émotions, on va y arriver encore mieux. Mm-hmm. Rapidement, là, un singe qui est heureux, il fait quoi? Ou un singe qui a peur, il fait quoi? Il y a des sourires chez les... Oui. je peux vous dire, par expérience personnelle, ayant déjà chatouillé un jeune chimpanzé, oui, bébé, ça fait exactement comme un humain. Ça se ramène les bras pour et ça bouge. Ah oui. C'est difficile à... et ça crie de, ah oui, de joie. Oui. Ah, c'est vrai? Ouais. Oui, oui. Drôle d'expérience. Oui. Mais écoutez, c'est fort intéressant quand même, toutes ces comparaisons qu'on peut faire. Je comprends que toutes les questions ne sont pas résolues. Non. Mais merci à vous d'être venu en studio pour rappeler notre filiation avec les animaux par le biais de nos comportements. Et je rappelle aussi le titre de ce livre, Les origines du comportement humain et de la culture. Donc un livre de François Doré, qui est professeur émérite au département de psychologie de l'Université Laval. Et c'est un livre paru aux éditions Multimonde. Merci beaucoup, Monsieur Doré. C'est moi qui vous remercie.